Le journal internet sud-coréen Tongilnews a présenté le 22 mars un écrit du président d'honneur du comité de patronage des prisonniers de conscience du Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation, appelant à prévenir le SAD et à ouvrir une époque nouvelle de la réunification indépendante, de la paix et de la prospérité par la manifestation à la bougie.